Des studios du 89.1 FM à Trois-Rivières, voici les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est vous pour la semaine du 16 au 22 mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et je vais être avec vous ce soir pendant 3 heures pour condenser la meilleure musique que C'est fou a à vous offrir. Cette semaine, on a quelques nouvelles entrées. Du côté anglophone, on va entendre Teenage Head avec Top Down. Du côté francophone, il y a Danny Placard avec Gratte-Ciel, Pomerleau avec J'aime pas, la formation de hip-hop acadien Radio Radio avec Cliché Hot. Mais dans quelques secondes, ce sera Chocolat avec Moitié Homme, Moitié Loup. Je vous rappelle les numéros 1 de la semaine dernière. Du côté francophone, c'était Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé. Et du côté anglophone, c'était Plants and Animals avec Bye Bye Bye. Est-ce que ça tient? Vous le saurez d'ici la fin de l'émission. Mais tout de suite, voici la première nouvelle entrée. C'est Chocolat, Moitié Homme, Moitié Loup dans les Palmarès C'est fou au 89.1 FM.

Creature avec Bridget Bardot en 14e position anglophone. Ça descend de la 6e place, 8e semaine de présence pour cette pièce. Peut-être sa dernière semaine, peut-être aurons-nous une autre pièce de Creature sur le palmarès un jour. Leur album s'appelle No Sleep At All. Juste avant, c'était Radio Radio avec Cliché Hot, nouvelle entrée en 14e position francophone. C'est avec l'album du même nom. En passant, ça, c'est un groupe de hip-hop acadien. On va en reparler pendant les prochaines semaines, j'en suis sûr. Radio, radio. Juste avant, les 15e positions du côté anglophone, c'était une nouvelle entrée Teenage Head avec Top Down. Teenage Head with Marky Ramone. Mm-hmm. Et avant ça, du côté francophone, un groupe qui sera en spectacle le 5 juin au Nord-Ouest, c'est Chocolat, avec une pièce de leur album piano élégant qui s'appelle Moitié homme, moitié loup. Donc Chocolat au Nord-Ouest le 5 juin, ici même à Trois-Rivières. Avant de passer au numéro 13, on va regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et un top 30 des albums. En commençant par le premier. Top 10 électronique, nouvelle entrée en 8e, Noisia avec Fabric Live 40. En 7e, Juno Reactor avec Gods and Monsters. Ça, c'est les deux nouvelles entrées. En 3e position, montée de 3 places pour Kane and Abel avec Smoke. En 2e, c'est stable Portishead avec Third. Et en 1ère, c'est aussi stable Triphonic avec Emergence. Du côté du top 10 Loud, deux nouvelles entrées. En 10e, Cataclysm avec Prevail. Et en 9e, Iron Maiden avec Somewhere Back in Time. Top 3 en 3e position, plus 2 pour Children of Bodom avec Blood Runk. En 2e, c'est stable Testament avec Formation of Damnation. Et en 1ère place, c'est stable Protest the Hero avec Fortress. On fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums plus tard, mais avant, on s'en va entendre nos positions. Numéro 13 du côté anglophone, c'est The Hives avec une pièce qui descend de 2 places. 8e semaine de présence pour Won't Be Long. Mais juste avant, voici une nouvelle entrée de Pomerleau, la 13e position. C'est J'aime pas dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir dans vos oreilles au 89.1 FM. Sous mes yeux, le plus laid tableau, plus jamais au bord de l'eau, que de mystères autour de la terre, à ce nom qu'elle en a défaire. Tournez trois fois votre langue avant que tout ne tremble. Les gens sont violents, on recherche l'argent, devrait être tirant des abous portants. Sur nos paysages, résultat de notre passage. Que de voitures pour la nourriture, laissez à ceux qui triment dur. Nous glissons vers le fond, allez, un peu de communication idéologique, un code d'éthique, de bonne musique pour fuir le tragique. Hey, hey, hey, hey. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me tue crois pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? Un peu de gêne, plus jamais de toi la haine. Pas détruire ton ennemi avant qu'il devienne ton ami. Distorsion des religions, mon Dieu, j'ai manqué l'avion. La route n'est pas longue, j'aperçois les temples. Brouiller les ennemis avant l'Amazon. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin. Ne me tutoie pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? We'll be right back.

The Hives et Won't Be Long en 13e position anglophone descendent de deux places. Leur album, c'est The Black and White Album. 8e semaine, j'ai bien dit 8e semaine, c'est beaucoup, mais c'est sur sa fin, ça. Juste avant, c'était Pomerleau avec J'aime pas, nouvelle entrée du côté francophone. Et en passant, Pomerleau nous a envoyé et envoyé à toutes les radios universitaires l'album en primeur parce qu'en fait, il sort en magasin seulement à l'automne. En septembre. Donc voilà, pour Pomerleau, un artiste de Québec, myspace.com/Pomerleau avec un O, music en anglais, myspace.com/Pomerleau music. Avant de passer à nos 12e positions, Protest the Hero et Danny Placard, retournons ailleurs dans les palmarès. Tantôt, on a fait le top 10 électronique et le top 10 loud. Maintenant, faisons les deux autres. Commençons par le top 3 des albums canadiens. En 3e position, une nouvelle entrée, Duchess 16 avec Anthologie des Trois Perchoirs. On va les entendre un petit peu plus tard d'ailleurs, Duchess 16. En 2e, nouvelle entrée, Plants and Animals avec Park Avenue. On va aussi entendre Plants and Animals plus tard dans le palmarès anglophone. Et même chose pour le numéro 1 qui est l'ancien numéro 2, Black Mountain avec In the Future. Côté top 30 des albums, est-ce qu'il y a des nouvelles entrées? Il y en a une barge, comme on dit. En 30e position, oh, ma formation préférée. Je les adore, pour vrai, ça avait l'air sarcastique de la façon dont je le disais, mais j'adore. C'est une formation comique néo-zélandaise qui font des vidéoclips assez cocasses. Allez les voir sur YouTube, Flight of the Conchords, en 30e position avec leur album éponyme. En 29e, c'est Tokyo Police Club avec Elephant Shell. En 28e, Team Fight avec Fair Ain't Fair. En 26e, Be Your Own Pet avec Get Awkward. En 25e, Violet Archers avec Sunshine at Night. En 24e, Islands avec Arms Way. En 18e, l'album éponyme de Lights. Ça, c'est des nouvelles entrées cette semaine. Il y en a vraiment beaucoup. En 3e position, ça remonte de la 7e place, Man Man avec Rabbit Habits. En 2e, c'est Stable Black Mountain. C'est Stable, oui, Black Mountain avec In the Future. Et le grand numéro 1 monte de 3 places, c'est Los Campesinos avec Hold On Now, Youngster. Voilà donc pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos palmarès standards. En 12e position, du côté anglophone, c'est Protest the Hero avec Blood Meat qui monte de 3 places. Mais juste avant, voici Danny Placard et sa nouvelle entrée en 12e position francophone, Gratte-Ciel, dans un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, les palmarès. À toi, malune, pis je m'ennuie déjà. J'ai collé ta photo sur le dash de mon pick-up. T'es bien plus belle que tes étoiles qui sont passées par là. Je te regarde à toutes les fois que je fais un stop. Je pourrais te regarder sans Restez là, au retour du bivouac, du Millen Collin et du Protest the Hero dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Test the Hero avec Blood Meat en 12e position anglophone, ça monte de 3 places en passant. Protest the Hero qui sera en spectacle à Montréal au Vans Warped Tour le 20 juillet. Juste avant, c'était Danny Placard avec Gratte-Ciel, dernière nouvelle entrée du côté francophone en 12e position. Ça vient de son album Raccourci, un album qui parle beaucoup, beaucoup de pick-up et de truck. C'est Danny Placard. On est rendu à nos 11e positions, mais avant de parler un petit peu de ce qui s'en vient un petit peu plus tard à l'émission, on va entre autres entendre des bons moments de Vidon à la question. Cette semaine, on va parler de Miss Milf hein, et le cuir aussi dans les meilleurs moments de l'émission d'humour extrême Vidon à la question. On va faire aussi le top des CD les plus vendus, on va balayer le plancher, on va parler de gens qui font de gens stupides qui font des choses stupides, oui, et on va parler aussi du top des CD les plus écoutés dans les radios universitaires canadiennes. demain. Hein? Tout ça plus tard dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est rendu aux 11e position du côté anglophone. C'est Millen Collin qui monte de 3 places avec Done is Done. Mais on commence par Bivouac. Voici dernier round de l'album Le Synopsis de notre histoire. En passant, si vous voulez nous écouter en direct, vous pouvez le faire sur Internet au www.cfou.ca et télécharger la balado-diffusion au www.unechance.com. Tellement de façons d'écouter les palmarès C'est fou dans vos oreilles. Cherche le grand, encore un soir à régler ses comptes. Appuie donc pour voir, t'es pas game, faut croire. Le contexte tombe, le cortex qui défonce. Mellon Collin avec Done is Done en 11e position anglophone. Ça monte de 3 places, 3e semaine de présence. Et juste avant, c'était Bivouac avec Dernier Round qui descend de la 5e. Donc, ça n'a pas monté haut et c'est pas resté là très, très longtemps. Malheureusement pour Bivouac, l'album s'appelle Le Synopsis de notre histoire. Avant d'aller aux 10e position, c'est-à-dire La Descente du Coude et de Mars Volta, regardons ce qui se vend le plus au Canada. Donc, c'est les CD les plus vendus la semaine dernière dans notre bon pays. En 48e position, nouvelle entrée, Richard Abel avec 25 ans de musique. En 36e, Dierks Bentley avec Greatest Hits. En 25e, le nouvel album de Clay Aiken avec On My Way Here. Mm-hmm. En 22e, Audrey Gagnon avec Ad Vitam. En 21e, Gavin DeGraw avec son album éponyme. En 20e, The Lost Fingers avec Lost in the 80s. Ça, ça a l'air vraiment bon. Hein? C'est le groupe qui reprend des pièces des années 80, mais avec un genre de je sais pas, de son plus... encore plus rétro que ça. En 7e, Toby Keith avec Toby Keith 35 Biggest Hits. En 10e, le nouvel album des Bare Naked Ladies, Snack Time. En 7e, Josh Groban avec Live in Salt Lake. Ensuite, top 5, l'ancien numéro 2 est en 5e, Sarah McLachlan avec Volume 2 Rarities, B-Sides and Studios, blablabla. En 4e, Leona Lewis avec Spirit. En 3e, c'est nouveau Neil Diamond avec Home Before Dark. En 2e, c'est aussi nouveau Gahoo avec Piece of My Soul. Incroyable. Et le numéro 1, c'était le numéro 1 la semaine dernière aussi, c'est Madonna avec Hard Candy. Vous auriez pu le deviner, certainement. Donc, fait-on pour les CD les plus vendus la semaine dernière au Canada. Retournons à notre palmarès standard. En 10e position anglophone, c'est The Mars Volta avec Goliath. Mais tout de suite, on écoute La Descente du Coude avec Hobbies. Dans les palmarès, c'est fou, on a lancé la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1 FM. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite ou bien en temps. Je suis à l'ordinaire. Dans l'opprobre, je roule ma balle dans le talon. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue, le tourbillon de la parole du sage, l'universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en dort. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma balle dans le talon. Je Et c'est comme ça que se termine la première heure des Palmarès C'est Fou. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début. En 15e anglophone, on retrouve Teenage Head avec Top Down, ensuite Creature avec Bridget Bardot, The Hives avec Won't Be Long, Protest the Hero avec Blood Mead, Millen Collin avec Done is Done, et on vient d'entendre la 10e position, The Mars Volta avec Goliath qui monte de 3 places. Du côté francophone, en 15e, c'est Chocolat avec Moitié Homme, Moitié Loup, nouvelle entrée. Même chose pour Radio Radio avec Cliché Hot, Pomerleau avec J'aime pas et Danny Placard avec Gratte-Ciel en 12e. La 11e, c'est l'ancien numéro 5, Bivouac avec Dernier Round, et on a entendu La Descente du Coude avec Hobbies en 10e. Ça monte de la 15e. Restez là parce que dans la 2e heure, on va entendre entre autres Daxilo Vidi, Carquois, Guérir la Poubelle, The Cat Empire, Duchess 16 et The Kooks. Restez là, c'est les Palmarès C'est Fou. Oh, oh. Deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 16 au 22 mai 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va entendre plein de bonnes choses, dont du Shotgun, du Guérilla Poubelle, du Carquois, du Duchess 16 et du The Kooks. Hein? Du The Kooks. On commence avec Guérilla Poubelle. La pièce s'appelle Quand le ciel sera tombé. Ça monte de 3 places en 9e francophone. Et voici tout de suite dans les Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir dans vos oreilles au 89.fm et partout dans le monde. Sur le www.c'est-fou.ca. Yeah! Choisir entre la morale et la trique. On parle de respect, des insultes dans les poches. On parle de libre arbitre, de la guerre, de la guerre. Quand le ciel sera tombé, hey, hey, tu continueras à me parler du futur. L'armée qui te m'a volé, hey, hey, le ciel se dérobe, se dérobe sous le pied. And I always thought kiss. I always think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually. The Kooks et Always Where I Need To Be en 9e position anglophone. Je K-pop sur cette pièce-là, c'est super bon. Plus 3, donc c'était la 12e position la semaine dernière. Juste avant, c'était Guérilla Poubelle avec une pièce de leur album Punk égale Existentialisme qui s'appelle Quand le ciel sera tombé. Ça monte aussi de 3 places. Les deux étaient de nouvelles entrées il y a de ça 4 semaines. Avant de continuer avec nos positions numéro 8, c'est bien ça. Regardons un petit peu le top des CD les plus écoutés dans les radios universitaires canadiennes selon Earshot, The National Campus and Community Radio Report, au earshot-online.com. La 10e position est occupée par No Age avec Nouns. En 9e, un groupe qu'on joue souvent, Plants and Animals avec Park Avenue. On va les jouer d'ailleurs plus tard dans l'émission. En 8e, M83 avec Saturdays Equal Youth. Equals Youth. En 7e, Teenager with Marky Ramone qu'on a entendu en nouvelle entrée plus tôt aujourd'hui, c'est leur album éponyme. En 6e, Tokyo Police Club avec Elephant Shell. En 5e, ils viennent de faire leur entrée dans le top de C'est Fou, dans le top 30 des albums. Là, ils sont en 5e position du top de Earshot, c'est Flight of the Conchords avec leur album éponyme. En 4e, The Black Keys avec Attack and Release. En 3e, Islands avec Arms Away, qui est d'ailleurs dans notre top, nous aussi, dans le top des albums, oui. En 2e, Crystal Castles, même chose, avec leur album éponyme. Mais en première place, c'est The Constantines avec Kensington Heights. Donc, on a quand même pas mal de points en commun avec Earshot, le palmarès des CD les plus écoutés dans les radios universitaires canadiennes. Radio universitaire et les radios communautaires aussi, par le fait même. Voilà pour ça. Plus tard à venir dans l'émission, on va entendre quelques bons moments de l'émission Vidons la question qui entre en mode d'été, en mode rediffusion. On va parler de Miss Milf 2007, hein, quand même vieux. Et le cuir aussi, donc Vidons la question, en capsule un petit peu plus tard dans les palmarès C'est Fou. Mais avant, on s'en va entendre au numéro 8 du côté anglophone, c'est The Cat Empire avec So Many Nights, mais on commence ça avec Dactylo Fidelity. Voici In Situ, dans un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. On appelle ça les palmarès C'est Fou ou les palmes. Les palmes. Et vous êtes les palmiers et moi, c'est Mathieu Plante. Tiens, mais assez parlé de moi. Ça va faire.

On retourne à nos palmarès du côté anglophone. La position numéro 7, c'est Duchess 16 avec Cut Up. Mais tout de suite, voici Carquois et la pièce échappée au sort dans les palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89 FM. Retour Duchess 16, Shotgun et Black Mountain dans les palmarès C'est fou au 89 FM. We'll be right back. Duchess 16 et Cut Up en 7e position anglophone, ça monte d'une place dans les palmarès. C'est fou, juste avant, c'était nos amis de Carquois avec Échappé au sort qui descendent, eux, de la 4e place, 7e semaine de présence. Leur album s'appelle Le volume du vent. On est déjà rendu aux 6e position, mais avant ça, avant d'entendre nos 6e position, je vous rappelle qu'un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler de gens stupides qui font des choses stupides dans la chronique Le Plancher. Mm-hmm, c'est vrai. Et vers la fin de l'émission, dans la dernière demi-heure environ, on va faire un bon flashback à l'émission Écoutons la longue chanson. On va écouter le palmarès tel qu'il était il y a exactement, c'est bien, 4 ans. Oui, en 2004. 2004, ça fait 4 ans. C'est bien ça. Donc ça, c'est vers la fin de l'émission, une demi-heure avant la fin de l'émission. Donc ça veut dire d'environ une heure, si on compte bien. Nos positions numéro 6 du côté anglophone, c'est Black Mountain avec Stormy High qui descend de la 2e place, donc ça c'est pas... est-ce que ça a monté au numéro 1? Ah, je me rappelle même pas, c'est drôle de ma part, c'est vraiment stupide. Le numéro 1, par contre, la semaine dernière, ça je le sais, c'était Plants and Animals avec Bye Bye Bye. Mais juste avant, on va l'entendre, le numéro 6 francophone qui monte de 2 places, c'est Shotgun. Voici, en attendant, dans un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM! Ça, c'était nos numéros 6. Du côté anglophone, on vient d'entendre Black Mountain avec Stormy High qui descend de la deuxième place. Et j'ai vérifié, et oui, ils ont été numéro 1. C'est moi qui avais la tête en l'air là pour les semaines du 2 et du 9 mai. Ils étaient aux positions numéro 1. À la position numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou. Juste avant, on a entendu Shotgun avec En attendant qui monte de 2 places pour venir se loger en position numéro 6. Leur album est éponyme. On s'en va entendre au numéro 5, Plants and Animals avec Bye Bye Bye, qui est lancé numéro 1 de la semaine dernière. Mais juste avant, voici Maken Kozapo et Miss Parano, qui monte de la 9e dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Bye. Dancing Animals avec Bye Bye Bye, l'ancien numéro 1 anglophone. Maintenant numéro 5, et juste avant du côté francophone. Cinquième position. Entendu, ouais, c'était Miss Parano de Maken Kozapo. Tout à fait. Voilà. Bien joué, Kiwan. Ouais, c'est bizarre comme entrée en scène. Mais quand même. Quand même. Non, moi je trouve que sous les feux de la rampe, l'improvisation, c'est ton fort. Ouais, surtout quand je suis sur Internet en même temps, là, mais ça fallait pas le dire, je pense. C'est pas ça. Et on est rendu aux positions numéro 4, Kiwan, du côté anglophone. C'est Supergrass avec Bad Blood qui monte d'une place, mais avant, on va l'entendre du côté francophone. Du côté francophone, c'est Zazie qui fait de la bicyclette de plasticine. Toute la nuit qu'elle en fait, de la bicyclette. Toute la nuit. En 1966, Mini Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby, et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette la nuit. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès. C'est fou, donc on va faire un résumé de ce qui s'est passé dans la deuxième heure des positions 9 à 4. Ça va être super simple. Du côté anglophone, hein? Commençons par la 9e, c'est-à-dire Always Where I Need to Be de The Kooks. En 8e, So Many Nights de Cat Empire. En 7e, Duchess Says avec Cut Up. En 6e, Black Mountain avec Stormy High. En 5e, Plants and Animals avec Bye Bye Bye. Et on vient d'entendre Supergrass en 4e avec Bad Blood. Et du côté francophone, la position numéro 9, c'était Quand le ciel sera tombé de Guérilla Poubelle. La position numéro 8, Dactylo Fidelity, la pièce In Situ. Échappé au sort de Carquois était en position numéro 7. La position numéro 6, c'était Shotgun avec En attendant. La position numéro 5, Maken Kodzapo avec Miss Parano. Et la position numéro 4 qu'on a entendu précédemment, c'était Zadifé de la bicyclette de Plasticine. Dans la troisième et dernière heure des Palmarès, c'est fou, on va avoir plein de bonnes choses pour vous. Du côté anglophone, on va entendre entre autres dans un ordre complètement nébalgamant, Steve Hill, Man, Los Campesinos. Du côté francophone, il va y avoir entre autres Pas Chic Chic et Bonjour Brumeur. La semaine passée, nos numéros 1, c'était Pas Chic Chic du côté francophone. Et qu'est-ce que c'était du côté anglophone? La semaine passée, c'était Bye Bye Bye de Plants and Animals. Ah, puis ça en voulait aussi. Nous autres, on sait ça dans notre tête, c'est parce qu'il faut chercher dans les tiroirs dans notre tête. C'est, on n'a pas de feuilles, nous autres. Ben non. On improvise ça. T'as-tu des feuilles, toi? Moi, pas de feuilles. OK. C'était le bruit de mes feuilles sur mon micro, mais ça paraissait pas prendre tout que c'était ça. Ouais, c'était moyen, c'était moyen. Restez là, d'ici la fin de l'émission, il va y avoir une demi-heure spéciale à Écoutons la, dans la chanson. On va faire un flashback, le palmarès tel qu'il était en 2004. 2004? C'est loin, ça, c'est oh? Loin. Et en l'an 2004. Oh, ça, c'était l'effet retour en arrière. Ben, j'essayais, mais c'était pas fort, fort. Non, c'était pas pour ça. 2004! Restez là, les palmarès, il faut revenir tout de suite au 89.1 FM. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 16 au 22 mai 2008. Il s'appelle Kiwan. Et il s'appelle Mathieu Plante. Mm-hmm. Est-ce que t'as déjà dit le nom de famille en onde? Le mien? Ben le tien, oui. Ouais, toi, t'es Kiwan, toi? Sûrement, ouais. Tu veux que je dise mon nom de famille? Rykovchinski. Ah, il me semblait aussi. Ah, voilà. Moi, je l'avais déjà dit, mais je savais pas si tu l'avais déjà fait ou si je cassais les punchs en disant ça. Non, non, c'est pas un secret. Kiwan Rykovchinski, c'est beau. Ah, ouais, ma mère, elle va être contente. Ben oui, ça s'écrit d'un coup sec, ça. Ouais, c'est ça. Il y a juste trois lettres, dans le fond. Dans mais plein de fois, en tout cas. Donc, troisième heure remplie de succès, parce que c'est nos numéros 1 qui s'en viennent très bientôt. Avant ça, il y a nos numéros 2, et avant ça, il y a nos numéros 3. Donc, c'est le bronze, l'argent et l'or. Ouais, on pourrait dire. On pourrait dire ça, quasiment. On pourrait, là. On l'a dit même, je dirais. Ouais, ouais. Numéro 3 anglophone, on va l'entendre Man avec The Ballad of Butter Beans qui monte de la 7e, mais avant. Avant, on va aller entendre Bonjour Brumaire et La Fin à Petit Feu. C'était à la même position la semaine passée, ça n'a pas bougé. Position numéro 3, c'est la 6e semaine que Bonjour Brumaire est dans les palmarès. Dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Dans vos oreilles. Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés. Et songer aux instants rompus, est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non, non, non, non, non, c'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non, non, non, non, non, si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, la fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs entraînés derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. Ah, ah, ah, ah.

Allen avec The Ballad of Butter Beans, numéro 3 anglophone. Ça monte de la 7e place. Et juste avant ça, on avait entendu Bonjour Brumaire avec La fin à petit feu. Moi, je m'étonne pas. Toi, oui. Non. Je l'écoute encore, l'album de Bonjour Brumaire, mais j'avoue que il est aveugle de sortir de ta rotation. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma rotation partante. T'es un grand amateur de musique, t'en écoutes beaucoup? Oui, vraiment tout le temps. Tous les jours? Oui. Sans cesse. En travaillant toute la journée. Ah, tu siffles en... Moi, je siffle en travaillant, non? Ah, tu siffles, toi? Ouais. Il y a une toune qui dit ça. Je siffle en travaillant. Non. Ça donne plein de joie à travailler avec toi. Oh, ben ça doit. Hey, tout le monde. OK. Je sais pas quoi dire de plus. Deuxième position du côté anglophone, c'est Steve Hill, le trifluvien, avec sa pièce Long Road de son album Devil at My Heels. Ah, il est trifluvien, pour vrai, je savais pas. Oui, ben en tout cas, mauricien. Mauricien, hein? Ouais. Et puis, du côté francophone, ben, c'est Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé. Et puis, c'était la position numéro 1 la semaine passée. Donc, ça veut dire que cette semaine, on va avoir un nouveau numéro 1. Et on sait déjà que Bye Bye Bye de Plants and Animals est rendu numéro 5. Donc, deux numéro 1 qui changent. Intéressant. Ça arrive pas à tous les semaines, ça? Non. Mais les palmarès, c'est fou, ça arrive à chaque semaine. À chaque semaine, ouais. Donc, reste avec nous. It happens on and on. Steve Hill avec Long Road de son album Develop My Heels. Ça monte de la 3e place à la 2e position cette semaine. Et la position numéro 2 francophone, c'était Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé qui était à la position numéro 1 la semaine dernière. C'est une de celles que j'aime le plus dans le PAM francophone en ce moment. Pas Chic Chic? Ouais, Pas Chic Chic. C'est très très bon. Ouais, vraiment bonne. J'aime vraiment très bon. On est rendu à nos numéro 1 déjà, les palmarès cette semaine. Ça va tellement vite. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ça a passé vite. On dirait que ça fait comme à peu près 20 minutes que la mission a commencé. OK. Donc, numéro 1, évidemment, on les mentionne pas par nom. On dit pas ce que c'est, mais on fait des jeux de mots. OK, je te laisse l'honneur. OK, tu veux pas en faire un? Ben, je vais essayer, là, mais... Ouais. Vas-y, t'es tellement fort. OK, bon. Je vais essayer du côté anglophone. C'est dur, hein, quand même. Ouais. C'est quand même dur. Je vais prendre un accent espagnol. Espagnol, parce que c'était... On va peut-être faire du camping. Comme ouais. Dans... Je vais aller au Los Campings. C'est Los. C'est une traduction fidèle, ça? Je pense que oui, j'ai été sur Google. Ouais, c'est ouais, ça, ah, okay. C'est vraiment ça. Mort à toi, Kiwan. Mort à toi de rire de moi. Mort. Non, je dis pas de toi. Mort. Non, t'en comprends-tu? Je sais que le nom anglophone. Mais... Ah! Ah! Il va falloir écouter à la fin pour savoir c'est quoi ces jeux de mots-là. Du côté francophone, ben, je pense qu'on devrait juste attendre la plus tard avant de le dire. Parce que présentement, en ce moment, j'ai envie d'aller tirer des éléphants. Mort à ces éléphants! Éléphants. Ouais, c'est pas fin pour les éléphants, là, par exemple. Ouais, non, mais je sais, mais c'est pour la joke, là. Ouais, je les aime. J'en vois tous les jours des roses qui volent. Mais ouais, c'était bon comme jeu de mots, là, ce soir. Ben, c'était moyen, mais c'était acceptable, ça passe. C'est approuvé. Tu me donnes un coup, mettons ça en lettres. C'était un C, c'est un C. Un C? Ouais. Ouais. Non, mais pleure pas. Mais c'est pas facile, tu sais, comme critique. Moi, je suis pas très bon pour supporter la critique. Non, mais tu sais que je suis capable de donner des A aussi quand tu mérites. Tu la sais, la semaine prochaine, j'espère. Ouais, la semaine prochaine, je vais avoir des A à distribuer. Votre appel est important pour vous. S'il vous plaît, gardez la ligne. Ici je rappelais vendredi. Ici je rappelais vendredi. Ici nos agents sont présentement vendredi. À des fins de bonification de nos services, cet appel peut être enregistré. Je vais passer les numéros 1 de cette semaine dans les palmarès de C'est fou! Mais avant de dire les numéros 1, on va faire un petit résumé des trois premières positions. Du côté anglophone, la troisième, c'est Man Man avec The Ballad of Butterbeans qui monte la septième. En deuxième, c'est Long Road de Steve Hill qui monte d'une place. Et en première, ça monte de 3, Death to Los Campesinos. On vient d'entendre la formation Los Campesinos. Oui, et du côté francophone, position numéro 3, c'était Bonjour du maire avec La fin à petit feu. Position numéro 2, Pas chic chic et Aidé morcelé. Et la position numéro 1 qu'on a entendue il y a quelques instants, c'était Éléphantine avec En attente d'un moment présent. C'était à la position numéro 2 la semaine dernière, mais ça avait déjà été à la position numéro 1. Donc c'est un retour à la position numéro 1 pour Éléphantine qui sont sur le palmarès depuis 7 semaines maintenant. Et puis, j'ai le goût, Mathieu, de faire une annonce. Annonce? Vas-y, annonce. Une annonce concernant Éléphantine, si Dieu le veut, parce que tu connais ma malchance légendaire avec les entrevues. C'est triste. Je prends quand même la chance de l'annoncer tout de suite. Éléphantine qui va être... Maxime, le chanteur d'Éléphantine, qui va être en entrevue téléphonique à la dernière porte à gauche tout de suite après l'émission, à 8h en fait, vendredi soir. Juste après nous, ça va être très très bon si ça arrive ça. Ouais, sinon, on n'écoutera plus jamais la dernière porte à gauche. Si ça arrive, ça va être écœurant, là, mais sinon, je vais pleurer, je pense. Non, tu croises les doigts et les orteils et toutes les choses qui se croisent notre corps pour que ça arrive. Reste avec nous parce que dans quelques minutes à peine, là, c'est fini pour les palmarès en tant que tel, là, pour la semaine du 16 au 22 mai 2008. Non? J'avais ici sur ma feuille non existante, dans ma mémoire. Et ça, j'ai pas de fait. Restez avec nous parce que dans quelques minutes, ça va être écoutant la nouvelle chanson. On va faire un retour en arrière à la semaine du 14 au 20 mai 2004. On va entendre entre autres du Enhancer, du Pistolet Rose, Prototype, de Stills, The Darkness. Tout ça et beaucoup plus. Et je vais devoir te remplir d'informations avant parce que t'auras pas de fait. Ouais, ça va être plein de succès de notre enfance finalement, là, de l'année 2004. J'avais 12 ans, ça. Ouais, à peu près, moi aussi. Restez là. Pendant 29 minutes après les palmarès, c'est fou. Écoutons-la donc. La chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons la don, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de l'équipe des Palmarès C'est fou. Et ce soir, l'équipe, ben, c'est moi, Mathieu Plante, comme à l'habitude. Et Kiwan. Oui. Rajkovchinski. Voilà. Je me suis presque. C'est bien. Rajkovchinski. Ah, avec l'accent, là. C'est l'accent du lac, ça. C'est ça. Je suis natif du lac, en fait. Ah oui? Non. Non. OK. Cette semaine, en fait, on fait quelque chose de spécial avec Tournadon à la chanson. D'habitude, bon, on vous passe des pièces qu'on aime bien, des choses qu'on a découvertes récemment. À la place, on se tape un vieux palmarès. Ouais, ce sera pas si intime que ça, finalement, là, comme émission aujourd'hui. Là, non. Non, mais vous pouvez quand même nous toucher la cuisse. Ben, moi, je vais me retenir quand même, là. T'es un peu loin de moi, par contre. Ouais, on se garde une petite distance. C'est ça. Donc, on va faire les palmarès tels qu'ils étaient il y a exactement un an, la semaine du 14 au 20 mai 2004. Moi, j'étais, en tout cas, je pense... Ah, il y a 4 ans. C'est 4 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a 4 ans, j'ai dit quoi? On t'a dit un an. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Tout ça pour dire que j'étais à peu près en 6e année du primaire, ouais. Je pense. Toi, secondaire 1? Moi, non, moi, 5, 6e année aussi. T'es plus jeune que moi, toi? Non. Je pense que oui. Pas sûr. Non. On s'est jamais dit nos âges. Hein? Moi, j'ai 34. OK. T'as 34? Non, c'est pas vrai. Non, OK, il me semblait aussi. On va apprendre à se connaître, toi et moi, je pense. Qu'est-ce que t'aimes faire la fin de semaine, toi? OK. Non, bon, donc, on commence par le numéro 4 anglophone seulement. On va l'entendre, Modest Mouse, avec Flo Dan, qui était numéro 1 la semaine d'avant. Mais ça importe pas vraiment, parce qu'on l'entendra pas cette semaine-là d'avant. Non, ça serait un petit peu lourd, là, comme émission. On fera pas chaque semaine comme ça. Après ça, on va entendre les numéros 3 back-to-back, juste après la quatrième anglophone. Qu'est-ce que ça va être en franco? En franco, ça va être Peu importe, de Enhancer. Non, mais du nom de la pièce, là. Du pas peu importe. Ça va être toi. Ben, peu importe ce qu'on va entendre, ça va être le groupe Enhancer, voilà. Ah, mais elle dit pas peu importe. Ben, peu importe. Ben, franchement. Ça pourrait être sans fin, cette affaire-là. Le nom de la pièce, c'est peu importe. Tellement. J'aime ça faire ça. C'est pas peu importe, quand même. C'est quoi que cet accent, tu vois, là? C'est pas la bouche. Ouais, ça se peut. Écoutons-la donc, la chanson. Voilà. Slapped it on, it was all okay. Sur la route, coûte que coûte, touche qu'on pisse, la sueur. parchemins, encore des longs, des cicatrices, des sacrifices effacés cessent d'exister. Au vu de l'édifice édifié, pour moi si édifiant le bilan de tous ces moments de sérénité partagée, échangée, tant de visages moraux marqués, débarqués de tout horizon ébranlé. On a été ma raison aujourd'hui. Je sais que ma vie est ici ainsi faite. Je la dédie de fête. On fait les défouls, on fait où j'ai tout fait, même si j'ai tout fait. J'ai fait des meufs, j'ai fait des cafés, tu feras tout fou. Dans des tout fous, des tout fous. Tout au fond de moi, c'est comme font les fêtes d'un petit fou de mal à voir. Le blanc carré, le blanc pour toutes les The Stills et Still in Love Song dans Écoutons la donne la chanson. Et ça, c'était le numéro 1 de l'année 2004 au complet du côté anglophone. Ça a passé 14 semaines sur le palmarès. Et l'année suivante, c'était Retour à Vega, le numéro 1 francophone de l'année 2005. Ça a passé 17 semaines. Moi aussi, en 2004, là, c'était vraiment mon album préféré de l'album 2004, celui de Stills. Puis, la pièce Retour à Vega aussi, un très bon classique de cette époque lointaine. Cette pièce-là, Retour à Vega, c'était juste sur une trame sonore, je crois, d'un film moyen, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est la seule place qu'on peut retrouver cette pièce-là. Donc, dommage. Oui, pas sur l'album, c'est vrai. Non, c'est ça, pas sur aucun album de Stills. Dommage. C'est triste. Ça fait une époque, ça, de Stills. Juste avant ça, on avait entendu le numéro 4 anglophone, c'était Modest Mouse avec Flow Down de l'album Good News for People Who Love Bad News. Et on avait aussi entendu The End Answer avec la pièce Peu Importe. Tout à fait, ça c'est le numéro 3 francophone. Voilà. C'était pas exactement dans l'ordre, mais c'est ma faute. On est rendu au numéro 2, Kiwan. Oui, numéro 2. Ouais. Du côté anglophone, on va entendre Muse avec Time is Running Out de leur album Absolution. Et du côté francophone, une de ces chansons poison là, qui reste dans la tête pendant un an, là, la pièce du groupe Prototype Danse sur la merde, qui a vraiment été un tube incroyable cette année-là, qui a contaminé nos esprits toute l'année. Puis finalement, ben, on a quand même la paix là, du côté Prototype. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé une nouvelle de Prototype. C'est ça, ils ont sorti un album, je pense, là, peut-être 2 ans, et puis ça a été tranquille. Ils n'ont pas eu tant de succès que ça. Ouais. Bon. Écoutons la donc. La chanson. Oui, oui. Thank you. C'était les Pistolets Roses avec Magané en position numéro 1 il y a exactement 4 ans, en mai 2004. Juste avant ça, c'était Muse avec Time is Running Out. Absolument. Parlant de Time is Running Out, Kiwan, on manque de temps. C'est le concept. Ben oui, il nous reste à peine 5 minutes pour terminer l'émission et pour entendre une pièce qui va en durer quand même quelques minutes. Donc, on va s'arranger pour parler rapidement de gens stupides qui font des choses stupides parce que je l'ai promis et que je tiens toujours mes promesses. Oui, il y a quelqu'un qui compte sur toi, là. Donc, tu as le choix entre 3 nouvelles. Tu dois en choisir, je pense, j'ai juste le temps pour une. Donc, tu as le choix entre une jeune qui a bien failli tuer son partenaire en appuyant un peu trop fort sur le couteau avec lequel il faisait des jeux sexuels. Un homme qui est mort brûlé après s'être transformé en torche vivante au contact de la flamme d'un briquet prêté par un policier qui lui avait permis de fumer lors de son interrogation. Et un gars qui croyait doubler son argent par une personne qui lui a fait croire qu'il pouvait plonger ses billets dans une mixture et puis ça allait doubler ses billets. Ben déjà, les résumés sont très forts, là, sont assez révélateurs, mais j'aimerais ça entendre parler plus profondément de la première. OK. Donc, une jeune a bien failli tuer son partenaire en appuyant un peu trop fort sur le couteau avec lequel elle lui dessinait un cœur sur la poitrine lors d'un jeu sexuel. Catherine McCaubrey, 25 ans, a été condamnée à 3 ans de mise à l'épreuve mercredi après avoir accepté de plaider coupable dans cette affaire remontant en 2007 dans la province du Manitoba. Le couple qui avait bu se livrer à des jeux amoureux un peu poussés lorsque le jeune homme a demandé à sa partenaire de lui dessiner un cœur sur la poitrine avec un couteau. Faisant un peu trop sur l'instrument, elle a percé la paroi de son cœur. Défiant les pronostics des médecins, le jeune homme a survécu et s'est remis. Il a pris la défense de sa partenaire, précise le journal. Ben c'est pour ça moi quand je fais ça, j'utilise toujours des ustensiles en plastique, c'est moins dangereux. C'est très bon ça! Un petit truc, un petit conseil pratique. J'aime ça les conseils sexuels de Kiwan Ray Kouchinski. C'est la fin de cette édition d'Écoutons la dans la chanson et des palmarès, c'est fou en général. Donc, on se retrouve la semaine prochaine en direct les vendredis soirs à partir de 17h. Moi, je vous retrouve aussi à La Connexion et puis dans le poste d'écoute. Kiwan anime la dernière porte à gauche. Vendredi 20h. Ça s'en vient. Ça s'en vient dans quelques minutes. Si vous écoutez le vendredi. Donc, à la semaine prochaine. Bye. Et on se quitte sur le numéro 1 anglophone. Voici The Darkness et Growing On Me. Bye, Kiwan. Bye, Mathieu. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais. Yeah.